bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Rien ne prédestinait cet enfant à vivre un tel destin. Rien. Au XVe siècle, une petite bergère de Don Rémy en Lorraine prend la tête des armées et part chasser les Anglais hors de France. Puis elle finit brûlée. Jeanne d'Arc avait entendu des voix, paraît-il. Rien ne prédestinait cet enfant à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Rien. Longtemps oubliée, considérée comme illuminée, ce n'est que tardivement, au XIXe siècle, qu'elle est devenue une héroïne de la nation, avant que l'Église s'en empare et qu'elle en fasse une sainte. C'était en 1920. 500 ans après sa mort, il y a des saintetés plus évidentes. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Rien ne prédestinait Jeanne d'Arc à être récupérée en politique et à devenir source d'inspiration pour les artistes. En revanche, il est très logique que nous en parlions à la radio, car nous aussi, nous aimons entendre des voix. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous allons entendre des voix autour de Jeanne d'Arc, avec Bruno Dumont, réalisateur, scénariste et auteur de ce film, de cette œuvre, Jeanne, qui est en salle en ce moment. Bonjour Bruno Dumont. Bonjour. Jeanne d'Arc, une aventure gigantesque, un film assez exceptionnel. On va en parler longuement parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'histoire et le cinéma, la figure de Jeanne d'Arc. Et vous avez travaillé à partir d'un texte, celui de Charles Péguy. Dès lors, nous plongeons dans plusieurs histoires. Et nous avons avec nous également aujourd'hui Gilles Avard. Bonjour Gilles Avard. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste de l'histoire américaine et notamment des contacts entre les Amérindiens et les Européens. Et vous allez nous parler d'une figure majeure de l'histoire qu'on oublie souvent, ceux qu'on appelle les coureurs des bois. Ce sont ceux que l'on connaît un petit peu avec des toques de castor, c'est un peu Davy Crockett. Vous avez écrit l'Amérique fantôme chez Flammarion et vous allez nous dire comment les coureurs des bois sont les premiers aventuriers de la conquête de l'Ouest. Ce sont des francophones en fait qui ont fait la conquête de l'Ouest. À tout de suite Gilles Avard. Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien. Anaïs Quien qui assure également la programmation de cette émission. Anaïs qui viendra avec son journal de l'histoire. Elle va nous expliquer un peu ce que sont ces chahuts politiques des élus britanniques avec cette idée, il faut s'asseoir sur son inéluctable. Bon, tout à l'heure sera le journal de l'histoire d'Anaïs Quien. Mais pour le moment, nous allons retrouver Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc à partir d'un texte de Charles Péguy. Et nous allons écouter, lu par Olivier Martineau, ce qu'en disait un homme de lettres, un critique. C'était en 1911, il faisait le bilan de l'année littéraire. Il s'appelle Alexandre Mercereau et il s'intéressait à l'œuvre de Charles Péguy. Je crois que le style qui s'est le plus signalé cette année à l'attention des lettrés par son originalité est le style de M. Charles Péguy. Est-ce à dire qu'il soit bon, je ne le pense pas. Je le trouve même exécrable, sur plus d'un point. Il est sans doute très voulu, mais point assez volontaire. Il est plein de qualités, de trésors fort précieux, mais point pour son créateur qui ne sut pas s'en servir. Lourd, fatigant, chargé, embarrassé de synonymes, d'épithètes inutiles, dévoré de parasites, il donne une impression pénible et harassante. Sa Jeanne d'Arc contient du meilleur, mais elle a à s'encombrer de pire. Il y a des dons de penseur et celui qui met de la clarté dans sa pensée n'est pas loin de voir se transformer de lui-même son style. Celui qui veut bien réduire ce qu'il dit strictement à ce qu'il veut dire voit se former toute seule une atmosphère pour ses idées et selon sa manière propre de mener ses idées. Je déplore que M. Charles Péguy, si bien doué, gâche maladroitement des dons si admirables. Alors une critique en 1911 sur l'œuvre de Charles Péguy, quand Charles Péguy s'intéressait à Jeanne d'Arc. Bruno Dumont, il faut rappeler peut-être qui est Charles Péguy, parce que c'est vrai que c'est un personnage un peu oublié, auteur fin 19e, début 20e, qui meurt au tout début de la Première Guerre mondiale, il devient un héros. Vous, Bruno Dumont, comment vous avez rencontré Péguy ? En fait, je l'ai rencontré en cherchant un texte sur Jeanne d'Arc et je l'ai choisi parce que c'est le seul qui développe autant la jeunesse de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire comment le mythe ou l'histoire ou la grande histoire s'est faite, c'est-à-dire comment la petite Jeannette est devenue Jeanne. C'est ça qui m'intéresse au départ. Et lui, dans Don Rémy, il en parle très longuement. Oui, vous aviez d'ailleurs fait un film qui s'intitulait Jeannette. Tout donc à fait. Jeannette, c'est le début du projet. Ah, donc c'est intéressant ça. C'était vraiment ma question de savoir si vous aviez rencontré Jeanne d'Arc par Charles Péguy ou Charles Péguy par Jeanne d'Arc. Donc l'idée, c'était vraiment Jeanne d'Arc au début. Les deux, en fait, c'est ça. Oui, je connaissais pas Péguy, donc je me suis mis à lire Péguy et j'étais fasciné par ce qu'on vient d'entendre, en fait, son style. Il a un style tout à fait particulier, donc qui peut déplaire, mais qui est très vite une musique, en fait. C'est Péguy se désintéresse, je pense. Il pense pas que ce sont les drames sociaux qui doivent être la matière pour la littérature. Il pense justement qu'il faut chercher des héros. Et donc Jeanne d'Arc, pour lui, c'est une héroïne. Quand il écrit Jeanne, il a 24 ans, il est tout jeune. Il n'est pas encore ce qu'il va devenir, donc il est plutôt anarchiste, socialiste, idéaliste, un peu fou, quoi. Et vous retrouvez cette folie un petit peu dans son œuvre, parce que l'œuvre est intéressante. Hein. Sa Jeanne d'Arc, on est en 1897 quand il écrit. Donc c'est une pièce de théâtre. Elle peut être adaptée réellement, cette pièce de théâtre? C'est très compliqué, c'est très long. À lui, c'est très long. Mais encore, donc il faut rappeler quand même qu'il part des sources, c'est-à-dire il part du procès, donc en même temps il part, ça c'est curieux, parce qu'il part de la réalité, de la vérité historique en tout cas, de ce qu'on sait notamment du procès de Jeanne d'Arc, alors pour en faire sa propre musique, donc il y a à la fois quelque chose de tout à fait original et de tout à fait exact historiquement. Donc c'est un bouillon des deux. Enfin, c'est un bouillon, en fait, plutôt. C'est un bouillon, et puis c'est une œuvre aussi, parce que vous avez bien rappelé la musicalité du style de Péguy, et c'est important. Bruno Dumont, cette musicalité est essentielle dans votre film, par l'addiction, bien sûr, et puis par la présence de Christophe. Christophe, le chanteur qui a travaillé pour le film, et qui ajoute encore une dimension. Oui, je pense que la musique, c'est la seule façon de passer à travers l'armure du présent, en fait, et de la reconstitution des faits pour aller saisir ce que veut faire Péguy, c'est représenter le petit jardin du cœur de Jeanne, en fait. Et voilà, c'est ça qui l'intéresse. C'est d'aller chercher ce qui est intemporel à l'intérieur de cet événement passé. Cet événement passé qui est lourd de sens en plus, parce que Jeanne d'Arc est une figure qu'on ne peut pas ignorer quand on regarde l'univers politique, quand on regarde aussi la création, parce qu'il y a beaucoup de Jeanne d'Arc qui ont été adaptées. Vous, Bruno Dumont, votre Jeanne d'Arc, je veux dire votre Jeanne d'Arc d'enfant, de construction, elle était comment? C'était un personnage lointain? Vous la visualisiez comment? Non, moi je n'avais pas de goût spécial pour Jeanne d'Arc, justement. Elle était un peu enfoncée justement dans l'histoire de la France, avec tout ce que ça veut un peu de lourdingue, on va dire. Donc je cherchais un petit peu pourquoi Jeanne d'Arc fascinait Péguy, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire-là qui fait que c'est un puits sans fond, tout le monde y vient, tout le monde y boit, tout est son contraire. Donc c'est assez curieux, en fait, qu'elle puisse intéresser autant la pensée française dans toute sa complexité. C'est pour ça qu'elle est mythique, c'est-à-dire qu'elle va à la fois du ciel à la terre, contre le ciel, contre la terre, pour le roi, pour l'église, pour le peuple, avec lui, etc. Donc elle est vraiment très, très, très large, si j'ose dire, dans le recouvrement de notre culture et de notre identité française. Voilà. Alors, pour que l'on comprenne bien votre choix esthétique, parce que Jeanne d'Arc, il y a mille manières de la traiter. Vous, Bruno Dumont, vous avez réfléchi à partir du texte de Péguy à une manière de montrer Jeanne d'Arc. Et pour s'en donner un petit aperçu, Perret Le Gras, qui réalise cette émission, s'est approprié Jeanne d'Arc et Jeannette, et il a créé une rencontre entre Jeannette et Jeanne. Écoutez un petit mix de Perret Le Gras. Ô maître, daignez pour une fois exaucer ma prière. Que je ne sois pas folle avec les révoltés. Bonjour Jeannette. Bonjour mon oncle. T'as dit tout ça lui-même, le bon Dieu? En attendant un bon chef de guerre qui chasse l'anglais hors de toute France, délivrez les bons chevaliers de Monsieur Saint-Michel. Ô mon Dieu, je vous en prie, une dernière fois. Voici quels sont les ordres pour aujourd'hui. Nous allons attaquer Paris par la porte Saint-Honoré. Vous serez avec votre couleuvrine devant la porte May. Bien, Madame Jeanne. Quoi qu'il arrive dans la journée, je ne veux pas que l'on s'en aille avant d'avoir pris Paris. Je ne le veux pas. Est-ce que ce sont vos voix? qui vous ont commandé de prendre un habit d'homme. Cela ne vous regarde pas. Maître Thomas de Courcelles vous a demandé s'il est vrai que vous ayez mis le signe de la croix, qui est divin, sur vos lettres, afin de tromper ceux qui les liraient innocemment. J'ai bien fait, puisqu'il est divin, de m'en servir pour ce que Dieu m'a commandé. Pleurez pas, Madame Jeanne. Pleurez pas comme ça. Pourquoi vous pleurez? Ah, je sais ce que vous avez. Le mal du pays? Moi aussi, j'ai eu le mal du pays. Moi aussi, j'ai pleuré. Regardez maintenant, je ne pleure plus. Il ne faut plus pleurer, Madame Jeanne. Attendez, mes seigneurs, attendez. Elle ira dans l'enfer avec les morts bénis, avec les condamnés, les abandonnés. Elle ira dans l'enfer avec les morts damnés. C'est un extrait de votre film, Jeanne, une chanson de Christophe Sébétassou, Bruno Dumont. J'ai vu le film, évidemment, avant de vous recevoir et de réentendre ces voix, de réentendre cette musique. C'est hyper touchant. Il y a quelque chose de touchant, vraiment. Je sais pas, vous avez fait un beau travail, non, mais là, je vous assure. Ce qui est touchant, c'est Christophe qui chante du Charles Péguy. C'est extraordinaire. Ouais, il y a quelque chose de très profond. Vous avez vraiment. La rencontre entre un musicien français d'aujourd'hui et un texte comme un parolier, en fait, et le texte est extraordinaire, il est amusant, enfin pas amusant, il est formidable de voir comment Péguy pousse Christophe dans des hauteurs qu'il avait probablement jamais atteint, quoi. C'est vraiment très très beau, oui. Et le spectateur se laisse emporter, je vous l'assure. Le cinéma, on l'oublie parfois, dites donc, mais c'est de l'image quand même. Et l'image doit être belle, votre image est très belle. Oui. Et oui, non mais votre image est très belle, donc vous l'oubliez pas parce que ça se voit. Il y a un vrai travail sur l'esthétique également. Il y a une chorégraphie de chevaux qui est marquante. C'est la garde républicaine qui a fait cela. L'esthétique était également essentielle pour parler d'un personnage qui... est difficile à saisir, ce personnage de Jeanne d'Arc. Oui, je pense, le cinéma, c'est de la représentation. Donc, mon travail de metteur en scène, c'est de représenter. Et vous avez raison de dire, ce qui se joue dans Jeanne, à la fois, c'est une histoire sociale, c'est l'histoire d'une paysanne, mais c'est quand même une paysanne qui va devenir une illuminée. Donc, on rentre dans Maine, un peu dans les nuages et dans les nuées et dans des domaines un petit peu plus difficiles de la pensée et du cœur humain. Et donc j'ai essayé justement avec de la musique de représenter ce que c'était que l'intériorité du cœur et de l'âme et de pas rester justement dans une obscurité en fait et d'incarner tout ça. C'est pour ça que j'étais par exemple dans la cathédrale d'Amiens alors qu'elle est totalement anachronique par rapport ici. Mais je pense que de voir la petite Jeanne dans la grande cathédrale d'Amiens, ça donne toute l'amplitude en fait de ce que c'est que le profane et qu'est-ce que c'est que le sacré. Oui, parce que dans la cathédrale d'Amiens, il y a des autels baroques qui sont sublimes, mais que Jeanne n'a jamais pu connaître. C'est essentiel de souligner ça, Bruno Dumont, de dire que la reconstitution peut être envisageable. Hein. Certains peuvent jouer à la reconstitution. C'est très dur de l'atteindre. Vous, ce n'est pas du tout votre propos. Si vous reconstituez, vous restez dans l'histoire. C'est-à-dire, vous attachez justement à répéter un événement historique qui a lieu. Alors que l'événement historique qui a lieu, c'est un retentissement de quelque chose de plus profond et qui est un mythe. Donc c'est pour ça qu'il faut altérer. Si vous n'altérez pas, si vous ne représentez pas, si vous restez dans la surface des choses, il ne se passe rien en fait. Donc il faut absolument altérer. Bon, c'est toute l'histoire de l'art, de la peinture. Pourquoi la peinture est devenue surréaliste, expressionniste, les pointillistes et tout ce que vous voulez. C'est justement que ce qui se joue, c'est la représentation et l'altération. À mon avis, du réel. Le réel, justement, vous le montrez sans le montrer, avec également beaucoup d'humour, parce que dans les scènes que l'on peut voir, c'est vrai que pour Jeanne d'Arc, on est censé avoir des armées gigantesques, elles ne sont pas utiles, ces armées gigantesques. Vous avez un plan que je trouve très très drôle, quand on dit il faut prendre Paris, il y a un changement de plan, et l'on voit le rien. Mais on le voit à Paris, sans le montrer. C'est-à-dire, on voit des sapins. Voilà, on voit des sapins. Non, mais parce que faut le dire quand même, Bruno Dumont, il y a énormément d'humour dedans. C'est glissé comme ça, des petits clins d'œil. Ça ne fait pas rire, ça fait un petit sourire. C'est beaucoup plus dur parfois. Oui, je pense. Mais c'est dans le texte, je pense, qu'il y a chez le jeune Peggy une forme de moquerie et d'ironie contre l'institution Jeanne d'Arc, en fait. Donc, en fait, il se moque. C'est pour ça qu'il y a des conversations absolument surréalistes entre les bourreaux, par exemple. Donc et ça, c'est Peggy. C'est-à-dire que Peggy, c'est quelqu'un qui pourfend, qui critique et qui a un esprit très très vif et qui ne se contente pas du tout de ce qui est institué, en fait. Oui, parce que le personnage de Jeanne d'Arc, on le disait, est un personnage difficile à saisir. C'est difficile à saisir. Mais c'est un personnage insaisissable. Je pense que Peggy, il a une vision de l'histoire qui n'est pas celle de ses contemporains. Il ne croit absolument pas que l'histoire soit une science. Il pense que c'est un mystère total, que l'homme est irrésolu. Donc je pense qu'il représente le mystère de Jeanne d'Arc. Et moi, j'ai essayé de représenter le mystère, mais en même temps, le mystère reste un mystère. Voilà, d'ailleurs, de nombreuses œuvres de Peggy ont le mot mystère dans leur titre. Hein. Le mystère, ça le fascine énormément. Et c'est vrai qu'il est difficile, avec Jeanne d'Arc, de ne pas être lyrique. La Jeanne d'Arc pousse au lyrisme. Un exemple avec André Malraux, c'est le 8 mai 1961, pour l'anniversaire de la mort. Nous sommes à Orléans et André Malraux est André Malraux. Et à Rouen, seul devant les deux questions meurtrières, Jeanne, êtes-vous en état de grâce? Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre, et si j'y suis, Dieu veuille m'y tenir. Et surtout, la réponse illustre, Jeanne, lorsque Saint-Michel vous apparut, était-il nu? Croyez-vous Dieu si pauvre qu'il ne puisse vêtir ses anges? Lorsqu'on l'interroge sur sa soumission à l'Église militante, elle répond troublée mais non hésitante, « Oui, mais Dieu premier servi. » Nulle phrase ne la peint davantage. Oui, mais Dieu premier servi. Nulle phrase ne la peint davantage, dit André Malraux en 1961. Bruno Dumont, pour faire un travail autour de Jeanne d'Arc, vous vous saisissez du texte de Charles Peggy, très bien. Vous avez jeté un œil sur ce qui s'est fait autour de Jeanne d'Arc. Vous avez regardé un peu toutes ces représentations de Jeanne d'Arc. Il y en a énormément au cinéma, bien sûr, mais pas qu'au cinéma. Il y en a. C'était vraiment Jeanne d'Arc a inspiré la littérature, la peinture, le théâtre, et le cinéma. Il doit y avoir, je sais pas, une quarantaine de films sur Jeanne d'Arc. Oui, c'est assez étonnant qu'elle ait intéressé le cinéma et l'histoire du cinéma. On a même retrouvé un film américain de la fin du 19e sur Jeanne d'Arc, et dans toute l'histoire du cinéma, de son début jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment un grand thème, un grand sujet cinématographique. Je pense que c'est parce que c'est un très bon scénario, en fait. C'est une histoire extraordinaire, en fait. Voilà, donc c'est une histoire simple, facile, et qui passe de la surface de la Terre et qui monte très très haut. Donc c'est vraiment un très bon sujet. Donc la vraie question, c'est la représentation. Donc c'est curieux, c'est étonnant. Jeanne d'Arc est morte à 19 ans. Elle a rarement le bon âge. Chez Cécile B2000, je pense qu'elle a une trentaine d'années, et ça ne pose pas de problème. Voilà, c'est ça qui est étonnant, on n'est pas gêné de voir Ingrid Bergman jouer Jeanne d'Arc alors qu'elle a 39 ans. Alors que vous, votre Jeanne d'Arc, qui est jouée par Lise Leprat Prudhomme, est jeune, et beaucoup plus jeune que la vraie Jeanne d'Arc de 9 ans de moins. Elle a 10 ans. Elle a 10 ans, au lieu de 19. C'était un choix aussi, j'imagine, ou c'était juste pour poursuivre avec Jeannette? Parce qu'il y a, avec le visage de cet enfant, et de cet enfant sublime par l'intensité de son regard, aussi une vocation universelle. L'enfant est universel. Oui, mais je pense, comme je vous le disais, que je dois représenter, et le vrai sujet de Jeanne, c'est le sujet de l'enfant. C'est-à-dire, c'est le sujet de la force de l'enfance, de l'espérance et de la détermination. Et comment mieux le traduire que quand j'avais la petite Lise devant moi, j'avais ce trésor-là, c'est-à-dire j'avais l'enfance. Donc c'était à moi de travailler l'enfance à partir de l'enfance. Et elle est vraiment, elle rayonne, et elle fait rayonner curieusement, d'une façon formidable, le texte de Peggy. Quand on entend une petite fille haute comme trois pommes dire du Charles Peggy, qui est un des auteurs les plus pointus, c'est vraiment extraordinaire. Le rapport est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de taille, c'est comme une petite miniature du Moyen-Âge, c'est-à-dire... Et moi, j'ai vu dans la peinture flamande, j'ai vu comment Rubens pouvait représenter Catherine de Médicis toute petite, dans un grand décor, et finalement la petitesse de Catherine de Médicis est une façon d'évoquer sa grandeur, c'est-à-dire le germe, et le germe de ce qui est grand, c'est ce qui est petit en fait. Et vous jouez beaucoup avec ces personnages qui sont ceux de l'histoire de France que l'on retrouvait dans les Manuels, les Gilles de Rais, tous ces gens-là. Vous en jouez beaucoup. Et c'est très intéressant, cet autre regard sur ces grandes figures de l'histoire. Oui, ce sont des figures qui sont tellement officielles. Finalement, Gilles de Rais, là, il est très contrarié par l'acteur qui le joue, puisque l'acteur qui joue Gilles de Rais est totalement improbable. Mais comme il s'oppose à notre vision de Gilles de Rais, c'est une façon justement un petit peu dialectique en fait de redonner à Gilles de Rais une véritable représentation. Ou même Cochon. Cochon, c'est encore pire, puisque c'est vraiment le pire du pire de celui qui a condamné Jeanne, et d'avoir tourné avec un acteur qui ne voulait pas jouer Cochon, c'était une façon de retrouver dans cet homme l'humanité, la fragilité, le doute peut-être d'avoir été Cochon. Oui, Bruno Dumont, c'est vrai que dans l'ensemble de votre œuvre, le choix des acteurs est essentiel. Et là, pour Jeanne d'Arc, c'est magnifique, hein, parce que c'est vrai que vous parliez d'improbable, c'est tout à fait ce qu'on se dit. Ce qui est étonnant, c'est que jamais ça ne pousse à rire ou à la moquerie, pas du tout. Au contraire, on se laisse prendre par ce jeu d'acteurs merveilleux. Comment se fait justement des choix d'acteurs qui, là, vont incarner des personnages de l'histoire? Ce ne sont pas des personnages qui n'existent pas. Bah justement, il faut trouver des correspondances. C'est-à-dire, quelles sont les correspondances dans le présent qui peuvent incarner, finalement, les juges à l'époque de Jeanne d'Arc. Et j'ai choisi des professeurs. Je pense qu'il y a quelque chose de permanent dans cet art oratoire, dans cette présence, dans cette capacité à porter un texte. Donc le texte de Peggy est assez compliqué. Et finalement, j'ai trouvé auprès de professeurs d'université de la région de Lille, notamment, des grands acteurs en fait qui savent porter le texte, qui savent le dire, qui savent le déclamer et qui rendent présent justement ce moment historique. Donc et en même temps, ils sont amateurs, donc ils sont très très fragiles, donc ils redonnent de l'humain justement à des juges. Et ça, je trouve ça assez touchant, en fait. Et ça fonctionne très bien quand on le voit, parce que vous avez un problème, vous l'avez dit, c'est un scénario magnifique, mais souvent, on connaît la fin. On connaît la fin. On sait comment ça se termine. Et c'est essentiel de mettre le texte, voilà, c'est Peggy, le texte en avant, et aussi ce décor sublime. C'est-à-dire que c'est un jeu constant entre l'acteur, le décor et le texte. Le texte est très beau, mais je pense qu'il faut le pousser un peu pour qu'on l'entende. D'où la musique. D'où la cathédrale, d'où les chevaux, d'où la chorégraphie, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit accessible en fait, et pour que ce soit accessible, il faut représenter. Bruno Dumont, vous diriez que vous avez fait un film historique? Historique, pas dans le sens, il va rester dans l'histoire. Non, mais il est historique. Oui, il peut rester dans l'histoire. Non, mais il porte l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire travaille là, mais en même temps, il y a quelque chose de beaucoup plus intemporel qui existe dans le film et que seul le spectateur peut voir. C'est lui qui le voit. Moi, je m'arrête. Moi, je fais des images. Hein, je m'arrête là. De toute façon, on sait bien que l'artiste, le créateur ou tous ceux qui s'intéressent à un phénomène historique en parlent de là où ils sont, de leur temps. C'est ce que vous faites. C'est ce qu'a fait André Malraux. On voit bien qu'il se l'est approprié dans son propre champ. Exactement. Et Malraux se l'est approprié. Évidemment, il n'est pas le seul. Jeanne fend le système. Elle brusque l'injustice qui devait l'enfermer. Jeanne est bergère, mais elle se fraye un chemin jusqu'au roi. Jeanne est une femme, mais elle prend la tête d'un groupe armé et s'oppose au chef de guerre. Jeanne n'est personne, mais elle porte sur ses épaules la volonté de progrès et de justice de tout un peuple. Elle était un rêve fou. Elle s'impose comme une évidence. Il y avait du vent ce jour-là, en 2016, quand Emmanuel Macron parlait de Jeanne d'Arc à Orléans. Ce personnage de Jeanne d'Arc est un personnage qui est complexe parce qu'il est récupéré de tous les côtés. Vous êtes artiste, donc vous avez une distance à mettre. Mais quel regard vous portez sur cette récupération? Ou est-ce que vous avez eu ne serait-ce que des retours en vous disant « Mais quelle idée de s'intéresser à Jeanne d'Arc ?» Moi, je pense avoir été plus profondément dans la couture du mythe, c'est-à-dire pas justement dans la surface politique. Et c'est la surface politique qui est récupérée, c'est le vernis qu'on récupère, mais c'est pas tellement le fond. Le fond, il est profondément mystérieux, obscur, et il est politique. Donc le drame, c'est quand le mystique devient politique, comme dirait Charles Péguy. Oui, exactement. Et on l'entend. C'est ça la difficulté. Moi, j'ai essayé en tout cas d'être dans la mystique et pas du tout dans la politique. Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est dans notre jeunesse où il dit, voilà, tout commence en mystique et finit en politique, et de jouer sur le mythe autour de Jeanne d'Arc, sauf que Peggy, dans son évolution, est devenue mystique. Très mystique. Il est même devenu illuminé. Voilà. Vous, Bruno Dumont, vous n'avez pas peur de ça en vous intéressant à Jeanne d'Arc et à Charles Péguy? Non, parce qu'il faut aussi démystifier ce que l'Église et ce que les catholiques ont pris au sacré. C'est-à-dire, c'est ce que pensait aussi le jeune Péguy quand il était encore athée. Je pense qu'il faut récupérer la grâce au cinéma. Là, il y a énormément de grâce dans votre Jeanne. Il y a énormément de grâce. Jeanne, qui est au cinéma, qui est en salle, on peut aller le voir à tout le monde. C'est vraiment un voyage esthétique. Christophe, c'est sublime. Hein. Vraiment, quel bon choix, Christophe. C'est vraiment bien. Oh ouais. Il a dit oui tout de suite. Comment ? Oui, oui. Ouais. Non, c'est vraiment très beau. Ce qu'il fait est vraiment inouï. Inouï. Et puis, c'est vrai qu'il faut toujours souligner que vos acteurs... Alors, je ne veux pas dire sont exceptionnels, mais sont très bien dirigés. Je vous remercie. Oh là, c'est un « je vous remercie » qui veut dire « parfois c'est dur ». Non, c'est au contraire, c'est une... J'aime tourner avec des personnes qui vont constituer les personnages. En fait, c'est ça ce qui se passe. C'est un travail de direction d'acteur, mais dont la part de l'individu qui joue est importante. Et j'ai besoin de l'individu pour constituer un personnage. Sinon, je ne crois pas au personnage. Et nous, on y croit à votre Jeanne. Merci beaucoup, Bruno Dumont. Nous allons faire une petite pause, mais toujours avec Jeanne d'Arc et Léonard Cohen. Léonard Cohen qui chante Jeanne d'Arc. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Now the flames, they follow Joan of Arc. She came riding through the dark, no man to keep her armor bright, no moon to get her through this dark, this very smoky night. She said, I'm tired of the world, want the kind of work I had before. Every single day, and there's something in me that just yearns to win such a cold and such a very lonesome heroine. And I love your solitude, I love your pride. Léonard Cohen qui chante Jeanne d'Arc dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Père et Le Grave, avec aujourd'hui à la technique Florent Dujon. Nous allons maintenant parler des coureurs des bois, nous allons parler des aventuriers francophones du Nouveau Monde avec Gilles Avard. Gilles Avard, les aventuriers du Nouveau Monde, c'est une autre forme d'aventure que Jeanne d'Arc. Et pourtant, vous écrivez tout à la fin de votre livre, j'ai adoré cette chose-là, qu'on s'est souvent désintéressé de cette Amérique franco-indienne de l'intérieur, puisque dans ce livre, vous présentez plein de personnages et qui pourraient être des sujets de films. Vous évoquez ça, vous dites, tiens, voilà des bons scénarios de films. Bruno Dumont, une idée de film. J'ai entendu, c'est vraiment une très très belle idée, oui. Ah ouais. C'est formidable, ouais, que je ne connaissais pas du tout. Vous allez faire un western francophone. Bah, je ne sais pas, mais ça va forcément intéresser déjà tous les Américains. Ouais, non, c'est bien. Ouais. Faut y penser. Vous devez filer. Merci beaucoup, Bruno Dumont. J'écouterai par la radio. Voilà, merci en podcast ou en ligne directement sur franceculture.fr. Et bah, oui, vous avez des choses à faire parce que votre Jeanne est au cinéma. Voilà. Merci beaucoup. Merci Dumont. À vous. Au revoir. Au revoir. Gilles Avard, vous restez avec nous parce que nous partons en Amérique. Donc vous êtes chercheur au CNRS et spécialiste de l'histoire américaine. L'Amérique fantôme, c'est chez Flammarion. Vous pouvez nous dire qui étaient ces coureurs des bois, qu'on les resitue un peu? Alors, c'était les coureurs de bois d'ailleurs. Je tiens de beaucoup bois. De, parce que c'est un terme qui est apparu au XVIIe siècle et qui a été forgé par des administrateurs de la Nouvelle-France sur le modèle de d'autres termes comme coureur de balles, de nuit, de prétentaine. Et donc c'est à l'origine, c'est un terme assez péjoratif pour désigner ces individus, ces jeunes hommes qui se rendaient parmi les Indiens de l'intérieur pour collecter des pelleteries, hein, notamment des peaux de castor qui servaient à fabriquer des chapeaux en Europe. Donc c'est le luxe, en quelque sorte, qui a provoqué, qui est à l'origine de cette aventure et de ces cultures de la circulation loin dans l'intérieur des terres nord-américaines, au contact donc des Amérindiens. Nous sommes avant la conquête de l'Ouest, nous sommes avant le Far West, nous sommes dans un monde qui est en construction sans vraiment savoir où il va. C'est un monde encore beaucoup francophone, l'Amérique de ce moment-là. En tout cas, ceux que vous avez étudiés, il y a de nombreux francophones, de nombreux Français même. Alors, tout à fait. Ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est plus une histoire... Alors, ça s'inscrit dans le cadre d'une histoire coloniale, parce que derrière toute cette aventure, il y a une dynamique coloniale, forcément. Mais j'ai voulu faire une histoire des circulations et des interactions, hein, donc entre les Français et les Amérindiens. Et une histoire dont... Donc c'est une histoire de la colonisation, mais dont la caractéristique principale est d'accorder autant, sinon plus d'importance aux pays indiens, donc pays de l'intérieur, qu'aux zones coloniales. Et effectivement, alors là, le livre brasse assez large d'un point de vue chronologique, puisqu'il commence au XVIe siècle et il va jusqu'au XIXe siècle. Donc, en gros, pour schématiser, il y a deux périodes. Il y a la période de la Nouvelle-France, hein, lorsque le roi de France revendiquait des possessions en Amérique du Nord, donc du Québec actuel à la Louisiane actuelle. Et puis ensuite, il y a ce qu'on peut appeler une Franco-Amérique, qui existe toujours aujourd'hui et qui se caractérisait aussi par la présence de beaucoup de francophones jusque dans l'Ouest américain, donc avant effectivement ce qu'on appelle la conquête de l'Ouest. C'est intéressant, Gilles Avard, ce que vous racontez, parce que c'est vrai que c'est un monde en grande partie oublié, et pourtant, ces coureurs de bois font partie de notre culture populaire. Exemple avec Annie Cordy. Il y avait un homme qui s'appelait Davy, il était né dans le Tennessee, si courageux que quand il était petit, il tua un ours du premier coup de fusil. Davy, Davy Crockett, qui n'a jamais peur, qui n'a jamais peur. Voilà une image qui est restée dans les esprits, et celle de Davy Crockett, il y en a tant d'autres. C'est un peu ça, le coureur de bois, c'est un peu celui-là, cet aventurier francophone, en l'occurrence celui que vous avez étudié, parce que c'est une galerie portrait que vous nous offrez, Gilles Avard. C'est un peu ce qui est véhiculé dans l'image populaire, ou c'est complètement différent? Alors précisément, peut-être la raison pour laquelle c'est un sujet qui n'a pas été beaucoup étudié, c'est qu'il y a une proximité avec le romanesque, hein, l'aventure, le courage, l'endurance, la confrontation avec la nature. Des romanciers se sont emparés de cette matière historique comme Fenimore Cooper au 19e siècle ou Jack London un petit peu plus tard. Et au fond, on pourrait presque dire que c'est pas un sujet qui est pris au sérieux dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, même au Québec aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez peu étudié. Le coureur de bois, c'est un personnage un peu emblématique, hein, pour les Québécois, qui est passé dans le folklore. Par exemple, il y a des liqueurs qui s'appellent coureur de bois, il y a des savons anti-moustiques qui s'appellent coureur de bois, il y a des agences de traîneaux à chiens qui s'appellent coureur de bois, etc. Mais peut-être que cette folklorisation, c'est aussi une façon de minorer ce phénomène historique, quelque part de le discréditer. Et surtout que pour ce qui est du Québec, comme vous savez peut-être, depuis les années 60, avec l'essor du souverainisme québécois, Il y a eu une sorte de fermeture des Québécois autour de la vallée du Saint-Laurent et du coup un regard par rapport au reste du continent qui s'est un petit peu perdu. Et dans ce regard perdu, il y a quelque chose qui est complètement écarté, c'est ce contact avec les Indiens et on pourrait même tirer un peu plus loin avec la nature. Et ça, Gilles Avard, ça vous a intéressé. Le contact, les échanges avec ces peuples autochtones, ceux qui étaient là, les Amérindiens. Alors effectivement, ce que permet aussi l'étude de ce coureur de bois, c'est deux choses. Hein. C'est d'une part, et je vais répondre à votre question, c'est d'une part de s'intéresser à l'histoire de l'Occident à travers cette figure un peu marginale. Un petit peu comme Michel Foucault s'est intéressé à certains marginaux, les fous, et donc c'est une figure marginale qui permet d'interroger la norme sociale au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, parce que souvent il est considéré comme un vagabond, comme un libertin, etc. Et puis d'un autre côté, comme c'est un individu qui se situe à la charnière entre donc ce monde colonial et ce monde amérindien, cela permet de s'ouvrir aux sociétés amérindiennes. Toutes les sources qui ont été produites pour décrire ces individus nous parlent des Amérindiens. Et donc c'est une façon aussi, ce livre, de s'interroger d'un point de vue anthropologique sur le don, sur la violence, sur la parenté. Dans ces sociétés, hein, parce que, et sur aussi le rôle des femmes amérindiennes qui jouent un grand rôle de médiatisation par rapport à ces hommes qui arrivent donc dans les pays amérindiens. C'est ce qui est incroyable, vous évoquez ces femmes amérindiennes, et c'est vrai que on parlait de contact avec les coureurs de bois. Oui, enfin très très vite, il y a des alliances qui sont faites. Cette image du coureur de bois, ces contacts pacifiés ou plutôt violents, cette violence en fait que vous avez évoquée, on la retrouve dans le film The Revenant, le film d'Iñárritu, où là effectivement l'échange ne se fait pas. Non, pas de chevaux. On reste sur ce qu'on a convenu. On est toutes les pauvres brûlées. On a besoin de chevaux et de fusils. Moi, j'ai besoin d'une femme avec des gros tatans qui fait à manger. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas ce qu'il a dit. Hey, toi là, amène le whisky. Amène ça. On vous donne des fusils puis des munitions. Ah, Gilles Avard, vous êtes spécialiste de ces aventuriers francophones du Nouveau Monde. Quel bonheur vous avez dû ressentir en voyant ce film. Un film qui va enfin parler des aventuriers francophones, y revenant. Et puis peut-être un petit peu de tristesse après. Expliquez-nous. Alors, c'est vrai que d'un point de vue esthétique, c'est un film très très intéressant. Mais après, le regard de l'historien peut apporter quelques nuances par rapport à cette première impression, notamment dans la façon dont se représentaient les coureurs de bois francophones. Et en l'occurrence, il y a un personnage qui est une sorte de bad guy dans le film, qui est Toussaint, et c'est en réalité Toussaint Charbonneau, qui fait l'objet d'un des chapitres de mon livre, et qui est... En fait, c'est un vieux cliché dans le cinéma hollywoodien, dans les représentations, plus généralement, dans la culture populaire américaine, qui est de dépeindre de façon très négative les coureurs de bois francophones, un peu ensauvagés, un peu violents. Alors qu'en réalité, par exemple, le héros du film The Revenant, joué par Leonardo DiCaprio, qui s'appelait Hugh Glass, qui était lui un anglophone, était ami avec Toussaint Charbonneau. Ils ont voyagé ensemble, donc la représentation est assez caricaturale dans le film. Mais en même temps, le film a quand même cet intérêt de nous plonger dans un univers historique qui est très peu présent dans le cinéma américain. Le film emblématique de Trapper, c'est Jeremiah Johnson avec Robert Redford en 1972. Mais justement, le fait que ces univers soient peu représentés dans le cinéma américain, ne parlons pas du cinéma francophone, c'est pour deux raisons, je pense. D'abord, donc, parce que ce sont des francophones et que dans l'imaginaire américain, celui de la destinée manifeste qui s'est construit au 19e siècle, ceux qui doivent traverser le continent de part en part doivent être des anglo-américains. Or, on sait que les francophones, par exemple lors de l'expédition de Lewis et Clark, Toussaint Charbonneau par exemple, ont joué un rôle important comme interprète ou guide ou autre. Et puis l'autre raison peut-être, c'est que ces individus qui se noient dans la nature, qui se parmi les Amérindiens, ne sont pas très édifiants. Donc ils sont souvent dépeints négativement. Ils ne sont pas des agriculteurs, ils ne clôturent pas les terres. On sait l'importance que ça a dans l'imaginaire de la colonisation anglo-américaine. Donc, du coup, ils ont été peu représentés, à la différence des cow-boys. D'ailleurs, Gilles Havard, quand vous présentez votre ouvrage L'Amérique fantôme, en fait, on pourrait dire que c'est une galerie de portraits. Et chaque destin est une petite aventure. On croise Charbonneau, on en croise d'autres. Vous évoquez la colonisation et justement le titre de votre ouvrage, L'Amérique fantôme, est un clin d'œil à un autre livre, celui de L'Afrique fantôme de 1934, un livre de Michel Léris. Et justement, écoutons Michel Léris dans une archive de 1968. Parmi les injustices sociales, enfin, qui sont très nombreuses et très fortes, et qui peuvent révolter, ben, celle qui m'a toujours le plus révolté, c'est l'injustice coloniale. Le mépris qu'ont des gens qui se trouvent tenir le haut du pavé parce qu'ils sont peut-être de meilleurs industriels que d'autres, c'est tout, de meilleurs mécanos, enfin, je dirais presque, ce mépris, enfin, dont ils écrasent des gens au moins aussi civilisés qu'eux, enfin, d'une façon différente, et qui, à beaucoup d'égards, même pourrait leur donner des leçons. Nous en entendons Michel Léris, donc l'auteur de l'Afrique fantôme. L'Amérique fantôme, c'est un clin d'œil évident. Oui, c'est un clin d'œil évident. Il est clair que ce titre, je ne sais plus quand je l'ai trouvé, mais L'Afrique fantôme, c'est un livre que j'ai lu il y a assez longtemps, même si la signification pour moi est très différente. D'abord, je ne me compare pas à Michel Léris et à son livre qui est un monument littéraire et ethnographique. Et puis, le titre Afrique fantôme, c'est un titre très introspectif. Léris espère que l'Afrique donne corps à ses propres fantômes, pourrait-on dire, et puis il évoque aussi la femme comme un fantôme de chair. Donc l'Afrique fantôme, c'est un peu la femme fantôme, hein, de peau noire, donc c'est la figure de l'altérité par excellence pour lui. Moi, évidemment, le titre Amérique fantôme n'a rien à voir, hein, c'est pour explorer cette Amérique un petit peu invisible dans nos mémoires, dans nos imaginaires, parce qu'elle a été écrasée par ce dont on parlait tout à l'heure, la destinée manifeste, le western, qui a un petit peu forgé notre imaginaire. Oui, et c'est toujours la même question aussi de la colonisation, comment on s'approprie un espace, un territoire et une nature, parce que ces coureurs de bois que vous décrivez, Gilles Havard, ont un rapport particulier à la nature. C'est-à-dire que nous ne sommes pas avec des cow-boys, comme on peut le voir dans les westerns. Ils ont un rapport complètement différent à l'autre, en l'occurrence à l'Indien, et à la nature. Alors effectivement, ce que j'ai voulu à travers ce livre, c'est un petit peu explorer les replis, les impensés du phénomène colonial. C'est-à-dire ne pas écrire un livre en connaissant la fin, pour évoquer quelque chose dont on parlait tout à l'heure. Jeanne d'Arc, dans un cas. Voilà, ne pas présupposer la conquête, ne pas distribuer trop rapidement des rôles, colonisateurs, colonisés, parce qu'on est vraiment dans des territoires indiens où les coureurs de bois d'origine européenne doivent s'adapter. Donc ce sont eux qui doivent apprendre les langues. Ce sont eux qui doivent s'adapter à la façon d'échanger des objets. On sort un petit peu du scénario colonial classique parce qu'également les autochtones sont indifférents aux offres de civilisation ou d'évangélisation. En même temps, c'est pas ce qui intéresse les coureurs de bois, même s'il y a parfois des missionnaires qui circulent également. Et en revanche, ce qui est intéressant à étudier, c'est le phénomène de l'indianisation. Hein, c'est-à-dire que ces individus adoptent, comme je le disais, des pratiques culturelles, religieuses, ou même certains qui sont capturés font la guerre ceux qui les adoptent. En l'occurrence, je pense à Radisson, qui était un petit Parisien qui s'est fait capturer par les Iroquois au milieu du XVIIe siècle. Donc voilà, il y a un renversement de notre sens commun de la colonisation. Et puis, il faut le dire, vous évoquez un destin, en l'occurrence, un petit Parisien qui s'est fait capturer par des Iroquois. Ça sonne quand même. Gilles Havard, vous mettez une citation dans votre ouvrage de Lévi-Strauss, après Michel Léris, c'est Lévi-Strauss, qui dit « Je voudrais avoir vécu au temps des vrais voyages, quand s'offrait dans toute sa splendeur un spectacle non encore gâché, contaminé et maudit. » Il y a aussi, et on l'oublie souvent chez les grands penseurs, un regard sur l'ailleurs, mais qui est un regard